Votre attention, s'il vous plaît. Voie C, en raison des intempéries, le TGV 2975 en provenance de Quimper et à destination de Paris-Montparnasse est annoncé avec 15 minutes de retard. Merci de votre compréhension.